La direction du club de golf de Chibougamau-Chaparral, son personnel et moi-même, Michel Lallemand, le directeur général, sommes heureux de vous transmettre nos meilleurs vœux pour la période des fêtes, que la prochaine saison soit remplie de bonheur et de joie, et à tous les amateurs de golf de notre secteur, de même qu'à tous ceux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la plus heureuse période des fêtes. Je suis Normand Lafrenière, gérant des ambassadeurs de Chibougamau. À mon nom personnel et du bureau de direction des ambassadeurs de Chibougamau, il me fait plaisir de souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à tous nos partisans. Paix, bonheur, santé et prospérité, ce sont les vœux des ambassadeurs de Chibougamau de la Ligue de hockey midget régionale. L'équipe de Polaire 3 profite des moments pour vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute sa clientèle. Que l'année qui débute vous apporte paix, bonheur et prospérité. Polaire 3, situé au 373 Avenue de la Friche à Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-5018 ou encore polaire3.com et n'oubliez pas de visiter notre page Facebook. Les ambassadeurs de Chibougamau avec notre ami Michael Godreau, ça fait longtemps qu'on n'y a pas parlé, il y a eu une petite pause. Salut Michael. Oui, bonjour. Soyez là avec d'abord le congé des fêtes. Comment ça s'est passé chez les ambassadeurs de Chibougamau? Est-ce que l'équipe va mieux? Est-ce que ça depuis la dernière fois qu'on s'est parlé? Oui, c'est ça, congé des fêtes. Nous autres, on a profité pour faire des petites rencontres, mettre des choses au clair. On a eu des soupers là pour un peu parler de ces choses-là. En dehors du hockey, là, ça a fait du bien, je pense. À tout le monde, dû au début de saison qu'on a eu avant les fêtes. Fait que je pense qu'on a profité pour changer d'air. Est-ce que c'est dur? Je parlais avec Gilles Bouchard, l'instructeur des Huskies de Rouyn-Noranda, parce qu'il vient de Normandie, puis il me disait que c'était dur de dealer avec les jeunes d'aujourd'hui. J'imagine qu'au niveau midget, quand t'as pas beaucoup d'espoir d'atteindre la Ligue nationale, midget 2B, Les joueurs, excuse-moi l'expression, mais s'en fichent-tu un peu? Ben, je peux pas te dire que s'en fiche, parce que chaque joueur, tu sais, quand même, tu joueras à n'importe quel niveau, tu joueras dans des ligues de garage adultes, on peut voir ça aussi. Tu sais, chaque joueur a un vouloir de gagner, chaque joueur, tu sais, et eux autres, ils cherchent à performer dans le sport qu'on fait. J'ai lu justement un article là, dans le temps des fêtes de Benoît Gros, qui a fait l'instructeur des Olympiques, de Gatineau. Un article qui a fait que San-Pé-San-Mé-Té-Un, ça, qui était stiff, puis c'était un monsieur qui aimait ça avoir le plein rendement de ses joueurs, puis qui était exigeant. Puis il l'a dit, avec les nouvelles générations qu'on est rendues, tu peux plus employer la manière forte, tu peux plus employer ce genre de coaching-là, de leur être très exigeant puis pas communiquer avec eux. Fait que je pense plus que c'est la manière d'apporter le hockey à eux autres, la manière de me parler qui va faire que s'ils vont s'en foutre ou pas, entre guillemets, comme tu dis. C'est vraiment la communication. Est-ce que depuis le début, ça a quand même bien été? Je veux dire, tu vois une certaine progression du côté des ambassadeurs? Oui, c'est ça. Nous autres, c'est pas, tu sais, ça peut paraître un peu le manque de vouloir vu de l'extérieur, là, mais moi, je sais que comme entraîneur, je le vois, là, les jeunes, c'est pas le manque de vouloir, ils veulent gagner, comme moi, comme tous les autres, le staff, comme la direction, tout le monde veut gagner, c'est pas ça le problème, c'est vraiment, on a une jeune équipe, c'est vraiment l'adaptation au nouveau règlement, à la nouvelle ligue. C'est tout ça un peu nous autres là qui nous touche un peu, qu'on réussit pas à trouver la manière de gagner un match. On réussit plus la manière comment perdre un match. Fait que c'est plus ça là, qu'on va travailler fort pour être prêt à fin février. Mais c'est la cohorte en fait du Bantam il y a quelques années qui a fait dur. C'est la même équipe là, en fait. Là. C'est exactement ça. Eux autres, cette cohorte-là sont une année sur deux, là, c'est 99, je crois, dans les 99, sont une année sur deux qui réussissaient pas à aller chercher une ou deux victoires par année. Fait que si on n'a pas le support de nos vétérans de 17 ans, comme tous les midgets au Saguenay, on a les 15-16, puis on a les 17 ans qui viennent corriger le manque d'expérience de nos jeunes, ben nous autres, on en a deux cette année. Fait que c'est un peu ça, là. On n'a pas de vétérans qui se lèvent dans la chambre et qui vont redresser la situation quand ça fonctionne pas durant une période, durant un match, durant les courts laps de temps, longs laps de temps. Ben c'est cette punch-là qui nous manque, là, des vétérans, c'est plus ça qui nous touche, ce temps. Si on y allait maintenant avec la fin de semaine, comment que ça va se passer du côté des ambassadeurs? En fin de semaine, on a juste un match, c'est contre Saint-Félicien, dimanche après-midi. C'est deux fins de semaine en ligne que c'est comme ça. Saint-Félicien, eux autres, ils vont venir deux dimanches en ligne. Fait que je suis content de jouer contre une équipe comme ça, là. Justement, on va avoir une bonne préparation entre les fêtes. Puis ça va être un bon test pour nous autres. On sait que Saint-Félicien joue du bon hockey. Ils sont premiers, je crois, dans la ligue, là. Fait que c'est toujours intéressant de jouer contre cette équipe-là. On a réussi à se comparer avec les meilleurs. Okay. C'est toujours fun. Donc, Mickaël, on recommence nos chroniques, nos bonnes habitudes du mercredi. Oui, c'est OK, donc voilà, c'était l'instructeur-chef des ambassadeurs de Chibougamau, Mickaël Godreau.